En Corée du Sud, le comité de mesures communes des syndicats des secteurs publics, regroupant les syndicats sectoriels de la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques et de la Fédération des unions syndicales de Corée du Sud, a organisé le 18 courant un meeting au parc de Yoido à Séoul contre la politique anti-ouvrière des autorités. Plus de 100 000 syndiqués de ces deux grandes organisations syndicales ont pris part au rassemblement. Les orateurs ont déclaré d'engager la grève générale de 400 000 ouvriers si les autorités ne s'abstiennent pas d'imposer les appointements annuels non seulement aux entreprises publiques financières, mais encore aux banques privées et de rejeter au peuple les responsabilités des échecs.